En ce moment, la porte s'ouvrit, les deux femmes tournèrent la tête ensemble et virent Wenceslas Steinbock, à qui la cuisinière, en l'absence de la femme de chambre, avait ouvert la porte. « Hortense ! » cria l'artiste, qui bondit jusqu'au groupe formé par les trois femmes. Et il embrassa sa prétendue au front sous les yeux de la mère, mais si pieusement que la baronne ne s'en fâcha point. C'était contre l'évanouissement un sel meilleur que tous les sels anglais. Hortense ouvrit les yeux, vit Wenceslas, et ses couleurs revinrent. Un instant après, elle se trouva tout à fait remise. « Voilà donc ce que vous me cachiez !» dit la cousine bête, en souriant à Wenceslas, et en paraissant deviner la vérité d'après la confusion des deux cousines. « Comment m'as-tu volé mon amoureux ? » dit-elle à Hortense en l'emmenant dans le jardin. Hortense raconta naïvement le roman de son amour à sa cousine. Sa mère et son père, persuadés que la bête ne se marierait jamais, avaient, dit-elle, autorisé les visites du comte Steinbock. Seulement Hortense, en Agnès de la haute futaie, mis sur le compte du hasard l'acquisition du groupe et l'arrivée de l'auteur qui, selon elle, avait voulu savoir le nom de son premier acquéreur. Steinbock vint aussitôt retrouver les deux cousines pour remercier avec effusion la vieille fille de sa prompte délivrance. Lisbeth répondit jésuitiquement à Wenceslas que le créancier ne lui ayant fait que de vagues promesses, elle ne comptait l'aller délivrer que le lendemain et que le prêteur, honteux d'une ignoble persécution, avait sans doute pris les devants.